Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation à vous tous les organisateurs. C'est aussi un grand plaisir effectivement de pouvoir intervenir dans ce cadre-là. Merci pour la présentation, Francesco. Donc moi effectivement je viens là avec un focus peut-être plus particulier sur la deuxième partie du titre du colloque, et j'espère que les réflexions que vous proposez peuvent nourrir un peu la réflexion en général. Je vais vous proposer de faire un peu un pas de côté, puisque effectivement je ne vais pas parler de plateforme, je vais parler un peu de plateforme, mais en tout cas je vais surtout partir du mouvement des communs et de la situation du mouvement des communs, en tout cas. Un point en particulier que je voudrais vous partager. Et puis, comme vous le savez, comme vient de me présenter aussi Francesco, n'hésitez pas à compléter, corriger tout ce que je vais dire, puisque je n'ai pas mis la rigueur de la rationalité scientifique que vous pouvez avoir. J'ai été vraiment, je le disais tout à l'heure à Carlo, impressionné par la qualité des débats qu'il y a eu jusqu'à présent aujourd'hui. J'étais absent hier, je suis désolé, mais j'ai vraiment été impressionné par ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une très brève présentation de Remix pour vous situer en fait plutôt d'où je parle, hein, en fait, pour que vous compreniez peut-être aussi un peu le propos que je vais vous proposer après. Et vous expliquer aussi pourquoi ce titre, cette question de la neutralisation, de déjouer la neutralisation des communs aujourd'hui, me semble être une question importante dans l'actualité du mouvement des communs. Remix, donc c'est une association qui existe formellement depuis 2018, qui est un mouvement ou un réseau qui s'est constitué depuis 10 ans maintenant. Développer en fait une culture de l'en commun à travers à la fois des démarches dans le domaine juridique, dans le domaine politique, différentes activités et la mise en place, je dirais d'une manière générale, ou l'expérimentation d'espaces d'autonomie dans différents domaines, que ce soit le numérique ou dans les questions d'alimentation, dans différents domaines. On jongle à la fois avec des choses qui sont de l'ordre de la réflexion, des choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage, de la documentation et du partage d'informations, et puis des expérimentations parfois, dont par exemple, je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, je pourrais revenir dessus si vous voulez, une sorte de plateforme numérique, puisqu'on a aussi à travers des choses qui ressemblent beaucoup à des outils de partage et de collaboration militaire. Alors, pour. Alors, déjouer la neutralisation des communs. Pourquoi, en fait, ce titre, qui peut vous paraître peut-être un peu énigmatique, en fait, l'enjeu ou l'un des. L'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui me semble être une espèce d'enchâssement des communs dans l'idéologie libérale dominante aujourd'hui. Alors, ce matin, Corinne nous parlait d'enchâssement dans un sens assez différent. Moi, je crains qu'aujourd'hui, une des raisons, enfin, un des problèmes auxquels on doit faire face, c'est ce réaccaparement de la question des communs par. Des processus ou des perspectives libérales dominantes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, dont on comprenne les mécanismes et dont on comprenne qu'est-ce qui nous permettrait éventuellement de dépasser ces mécanismes-là. Et je pense que c'est une chose importante à l'état où on est aujourd'hui dans le mouvement des communs, pas nécessairement, c'est pas quelque chose qui est forcément généralisable dans le temps, mais en tout cas aujourd'hui est situé plutôt en France. Ce que je vous raconte aujourd'hui s'appuie sur notre expérience ici et maintenant. Pas forcément, c'est peut-être pas forcément vrai en Belgique, comme vient de nous le décrire Maxime, ou en Italie ou ailleurs, où les choses sont probablement peut-être un peu différentes. Et je pense que la situation sociale et politique ou économique française en particulier a tendance peut-être à renforcer ces questions-là. Mais peut-être aussi la configuration du mouvement des communs et l'histoire du mouvement des communs en France ces dernières années, qui peut être aussi à prendre en compte. Alors, pour une des raisons, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, j'imagine que oui, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, le magazine Élément, qui est un magazine d'extrême droite, hein, qui propage des thèses d'extrême droite, reprenait à son compte le discours sur les communs. Et donc, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière extrême, puisque c'est l'extrême droite, mais je pense que cette problématique-là, ou en tout cas cet événement-là, ne doit pas occulter que ce que je veux raconter, moi, ne concerne pas seulement l'extrême droite, mais de manière beaucoup plus générale, un rapport notamment de l'État et d'un ensemble d'acteurs dans la confrontation, ou la compromission, prendre un terme positif, l'accordement, si je peux dire, avec l'État, lier les communs à des politiques qui pour moi sont parfois libérales et donc qui me posent problème. Donc je voulais vous parler de ça, mais pour autant, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas là de se cacher derrière une extrême droite qui déboulerait dans les communs, qui s'approprierait les communs pour pouvoir justifier ce discours-là. Pour moi, il est plus général que ça, et j'avais commencé à réfléchir à cette intervention avant d'apprendre que ce magazine publiait cet appel ou ce manifeste de récupération des communs, de récupération de la question des communs, en tout cas. Alors, je vais commencer par... Vous reconnaissez certainement le personnage que j'affiche là, c'est Garrett Hardin. Je vais commencer, si vous voulez bien, par l'histoire du pâturage ouvert à tous et du gardien de troupeau qui est raconté par Garrett Hardin. Lui, il cherche à illustrer la tragédie des communs. Le berger, bon, je vous résume l'histoire, tout le monde la connaît ici, hein, j'en suis convaincu. Le berger de Hardin, c'est donc un être rationnel qui s'efforce de maximiser ses gains. Il ajoute autant de moutons qu'il peut sur les pâtures, jusqu'à ce que finalement il amène la ruine de tous. Dans ce modèle, on considère toujours l'homme rationnel qui minimise l'economicus rationnel, qui minimise les intrants ou ses efforts et qui maximise son rendement. Ça a été aussi bien analysé par Graeber que Ostrom, etc. Et dans l'image que ce à quoi je veux en venir, c'est que dans l'image que nous propose Hardin, en fait, il y a une chose qui est totalement absente, c'est la dimension affective, la dimension, la relation que le berger peut avoir avec le contexte, avec le lieu dans lequel il est, avec les pâtures elles-mêmes, avec la montagne, avec le paysage verdoyant qui est celui dans lequel il vit. Et donc on voit que là, dans cette caricature de Hardin, en fait, une des choses que moi je veux mettre en évidence, c'est l'absence totale de cette dimension, je dirais, affective et psychique, en fait, que peut entretenir l'acteur, que peut entretenir la personne avec l'activité, le milieu dans lequel il se trouve, ses confrères éventuellement, ses consoeurs aussi, qui est vraiment quelque chose de structurant, en fait, dans le discours de Hardin. En fait, les dimensions affectives, elles sont, de mon point de vue, certainement, peut-être, en tout cas c'est une question que je voudrais mettre sur la table, c'est d'une certaine manière, elles participent à nous faire commoners. C'est-à-dire que être commoner n'est pas seulement entrer dans une équation économique de gestion de la ressource, mais c'est participer c'est avoir des relations, c'est entretenir et développer en fait une relation aux autres, une relation au paysage. Là, on voit par exemple la première page d'un dossier dans les Garrigues qui a été fait par une association avec laquelle on a travaillé il y a quelques années maintenant, qui en fait travaillait sur la notion de commun dans les Garrigues, où on voyait, qui mettait au centre en fait cette problématique du paysage, non pas simplement comme un produit, comme un actif, mais réellement comme quelque chose qui est vivant et auquel on a une relation au vivant. En fait, les chercheurs qui travaillent, les discours en tout cas, qui travaillent autour des common pool resources ou à partir des théories des common pool resources, ils ont largement critiqué Ostrom la première, bien sûr, ont largement critiqué Hardin, mais d'une certaine manière, ils vont suivre le même schéma de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on va être dans une relation qui est une relation de gestion. On va regarder en fait les questions de propriété, de rapport à la propriété, à l'actif que représente la ressource à partager. Si les common pool resources dans la tradition d'Ostrom cherchent une alternative à un récit libéral qui est très puissant, en fait, on peut considérer que d'une certaine manière, ils ne sortent pas de la logique libérale, dans le sens où on reste toujours ancré, on reproduit finalement les mêmes caractéristiques, puisqu'on travaille avec la même hypothèse méthodologique qui est le fait que dans les communs tels que théorisés avec les common pool ressources, ce qui va motiver le comportement, c'est les sanctions, c'est les règles qu'on se donne ensemble et qui vont, par la sanction, obliger l'acteur à être aussi rationnel d'une certaine manière. Encore une fois, cette théorie-là, ou ces théories-là, elles n'accordent pas de place à des conceptions alternatives de la rationalité, d'un point de vue affectif, ni d'un point de vue psychique. C'est-à-dire qu'on ne pense pas les êtres comme des êtres empathiques, pensants et sentants, mais comme des êtres qui restent dans la sphère, finalement, ou l'expérience de l'économie. Et ce qu'apporte, enfin, au mieux, on parlera finalement d'une gestion collective, d'une capacité à gérer ensemble par l'expérience. C'est que c'est finalement c'est l'expérience de la gestion commune qui fait qu'on sait qu'il ne faut pas faire comme ça, qu'il ne faut pas mettre autant de moutons qu'on veut, mais il faut se mettre d'accord, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Pour moi, le problème que ça pose, c'est que ça n'est pas suffisant pour expliquer comment être commoneur, comment devenir un commoneur. Tout à l'heure, tu disais que j'ai écrit la notice sur les commoneurs dans le dictionnaire, et effectivement, je n'avais pas poussé la réflexion jusque-là, à ce moment-là, mais je pense que... il y a quelque chose de cet ordre-là. Comprenez bien que mon objectif là, c'est pas de critiquer Ostrom, c'est pas de refaire une critique d'Ostrom qui a déjà été largement faite, mais c'est vraiment de montrer que le mouvement des communs a besoin d'expliquer ce qu'est le désir d'être commoneur, en fait, pour pouvoir se donner un récit, se donner un imaginaire qui est un imaginaire qui va au-delà d'un imaginaire de l'économie. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des grandes présentations comme ça, donc j'essaie de les trouver dans mes notes. L'intérêt de tout ça, bien sûr, c'est d'essayer de construire un discours ou une argumentation qui soit robuste pour le mouvement des communs et de faire mouvement ensemble en faisant politique. C'est pas, encore une fois, c'est pas de critiquer les théories d'Ostrom. Là, je laisse ce travail-là aux chercheurs, ce que je ne suis pas et ne prétends pas être ici aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a posé ça, bon, on sait que le terme de commun, on va y mettre tout un ensemble de sens. Il y a une multiplication du sens derrière le terme de commun, et à tel point que ça devient parfois un mot-clé ou un mot-valise. et je pense à tort, ce qui amène aussi un certain trouble, en fait, quand on parle des communs, puisque quand on rentre dans une démarche qui tend à en faire un mot valise, on lui fait perdre tout son sens. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un risque de ce point de vue-là et un risque de dilution. Alors, traditionnellement, la théorie des common pool ressources, elle s'intéresse d'abord, ou elle s'est intéressée d'abord aux ressources naturelles partagées, aux forêts, à l'eau, aux plans d'eau, et à la manière dont s'établissent les règles de gestion qui permettent de gérer collectivement et de partager l'usage de ces ressources. À cet endroit-là, en fait, le mot gérer, il veut dire souvent préserver la ressource, encore une fois, dans une logique d'actif comptable. La théorie des common pool ressources, elle s'est élargie ensuite je vais rester là. La théorie va passer des ressources qu'on va dire qu'on qualifie souvent de petites, naturelles, etc. Et puis elle va progressivement s'étendre à étendre son champ d'application à des ressources plus larges, ressources intellectuelles, ressources culturelles, voire la culture elle-même comme ressource. Donc cette évolution-là, même Hardin, hein, dans son article de 98, de 1998, en fait, il se corrige en disant que finalement, ce qui manquait dans son article, c'était cette histoire de la gestion. Donc il confirme, hein, d'une certaine manière, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que on a cette question de la gestion qui reste centrale. Pour les approches marxistes, alors là, je ne sais pas si mon vocabulaire est tout à fait adéquat, mais en tout cas, parce que moi, je mettrais dans une enveloppe générale des approches marxistes, on va avoir aussi, qui nous parle du commun au singulier comme principe politique ou d'organisation de la production et de l'économie, on va peu prendre en compte en fait la dimension affective et psychique comme je disais tout à l'heure. Peter Linbow, par exemple, il parle aussi du berger rationnel et il explique par la question des règles finalement le bon fonctionnement des communs. Du côté des activistes, on est aujourd'hui face quand même à des enclosures qui sont massives et qui se multiplient et qui s'intensifient. On voit que tous les domaines de la vie sont de plus en plus marchandisés. Et je pense que ce que vous racontez sur les plateformes tout à l'heure le montre, hein, d'une certaine manière. Ça touche à des domaines de plus en plus divers et liés au vivant et à l'intime. Des appels à la réappropriation et à l'invention de nouveaux communs qui se multiplient. Ces appels, ils proviennent de diverses sources qui ne partagent pas toujours les mêmes fondements théoriques ou les mêmes fondements idéologiques. Donc il y a les activistes qui sont impliqués dans des luttes pour récupérer les communs, historiquement enclos ou pour réaffirmer des droits sur les terres. Par exemple, en France, on a aujourd'hui tout un groupe de travail auquel on participe, nous, pour récupérer ou protéger les communaux, les faire valoir. Il y a des démarches auprès des politiques aussi pour essayer de contrer les lois qui ont eu tendance ces dernières années à permettre ou faciliter en tout cas la reprise des communaux par les villes, par exemple, par les municipalités. Donc il y a des mouvements, mais ces mouvements-là aussi, souvent, s'appuient sur une approche théorique ou une approche idéologique qui est ancrée dans la question des common pool resources. C'est-à-dire qu'ils ont du mal en fait, à dépasser un discours uniquement basé sur les common pool resources. C'est vraiment caractéristique, moi je le vois dans le groupe dont je vous parlais à l'instant, le discours, fondamentalement, il est basé là-dessus et on a énormément de mal à avoir une discussion, un échange qui aille au-delà de ça. Et puis on a dans les domaines de la création de nouveaux communs, les plateformes en font partie, on a là aussi un discours qui est souvent relié que ce soit la reconquête des villes, que ce soit la question de l'alimentation, la question de la santé, par exemple, on a aussi là quelque chose qui est ancré toujours sur une approche liée aux théories ou à la question des common pool resources. En tout cas, vraiment, on s'inscrit dans cette sphère-là. En fait, hein, ce qui m'intéresse hein, aujourd'hui, c'est de mettre en avant une approche et une démarche qui vise un engagement à promouvoir un intérêt commun dans tous les aspects de notre vie et dans une dimension politique. Et pour ça, on a un nombre croissant d'activistes qui, eux, tentent d'échapper au prisme des CPR et qui suggèrent en fait que leurs projets sont des mises en commun qui sont des formes alternatives. C'est là où je rejoins d'une certaine manière le titre du colloque. Des formes alternatives de production et qui promeuvent des idées de relations sociales alternatives, c'est-à-dire qui proposent les communs comme réellement le vecteur d'une alternative politique, d'une alternative de vie, pas seulement d'une alternative du point de vue économique. Alors, on retrouve ça dans des textes de Federici, dans des textes de Kalfenzis aussi, par exemple. Enfin, il y a de multiples auteurs, et je suis sûr que vous en connaissez plus que moi sur ce plan-là. Là, ce qui est souligné, c'est le fait qu'il ne s'agit pas seulement de partager, de manière égalitaire une ressource, mais il s'agit en fait de produire ensemble et d'avoir un engagement et de promouvoir en fait l'intérêt commun dans tous les aspects de la vie et dans notre travail politique aussi. Avec David Bollier, ouais, je pense que je suis encore sur celui-là pour l'instant. J'en ai pas beaucoup des slides, donc je suis pas un as de la présentation, donc c'est pas très beau, mais c'est juste pour être illustré quelques propos. Donc avec David Bollier et Silke Elfrich, avec lesquels on a travaillé et on continue de travailler avec David. En fait, on préconise de considérer les communs comme un ensemble de pratiques génératives. Et bien sûr, ce n'est pas les seuls hein, à défendre cette approche-là. Ce que ça sous-tend, c'est qu'en fait, les communs soutiennent la subsistance et l'amélioration de la vie. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la gestion d'une ressource et du partage équitable de la ressource. Il y a un enjeu, un projet, qui est un projet politique d'autonomie et de subsistance, d'autonomie pour la subsistance, et d'amélioration de la vie. Alors, ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très pratique, et donc là, je peux vous montrer le suivant, c'est assez gros pour que vous lisiez. Le texte qui est là, c'est un texte qui est un extrait d'un rapport de projet qu'on a fait, l'École des communs, qu'on a envoyé à un bailleur, qui est la Fondation Carasso, en l'occurrence, qui a donc financé ce projet et pour lequel, en fait, on a discuté, on a argumenté au moment du bilan, de défendre, en fait, la manière dont on a procédé pour travailler sur la question de la souveraineté alimentaire ou de la démocratie alimentaire avec quatre groupes différents en France, en mettant en avant justement cette dimension de subsistance et du fait que les communs sont, au-delà d'une gestion de ressources, sont un processus qui nous permet de comme je l'ai souligné là, de déployer les moyens de la subsistance de la communauté et un travail qui consiste à faire un retournement du stigmate, voilà, c'est le mot que je cherchais, un retournement du stigmate, puisque la subsistance est en fait, dans le discours général aujourd'hui, considérée comme un stigmate en réalité, et donc vient s'opposer d'une certaine manière à ce que nous on défend à travers les communs. Alors, d'une certaine manière, on rejoint là des approches qui sont des approches de cultures enracinées, des cultures indigènes, des ontologies en tout cas des peuples indigènes, qui mettent en avant, la relation aux soins, ou en tout cas la relation par le soin aux autres, par le soin à la ressource, plus que par la gestion de la ressource. Et donc qui se donne en fait comme objectif vraiment l'amélioration de la qualité de vie de la communauté, en tout cas du groupe qui est concerné. Donc pour moi, il ne s'agit pas là d'essentialiser les cultures indigènes, mais vraiment de suivre les approches anthropologiques de gens comme Escobar ou comme Ingold, qui vont souligner en fait l'intérêt de ces ontologies indigènes. Qui nous permettent en fait, enfin qui puisent dans la vie quotidienne, et c'est là, nous aussi, enfin je pense que nous aussi dans les communs, on essaye de défendre cette approche-là, pour montrer que c'est dans la manière de vivre les communs qu'on va puiser une force politique. Escobar, il met en avant la relation entre sentir et penser, il invente le mot sentipensamiento avec un sociologue latino-américain. Je pense que c'est important en fait de montrer, et par exemple le travail de David Bollier et Silke Elfrich, quand ils font le travail sur les patterns de communing qu'on va pouvoir nous réutiliser, ils ont aussi tout un travail sur le vocabulaire qui est vraiment important. Je pense que c'est important de souligner ça, et c'est important de montrer que finalement on a nous aussi peut-être un enjeu de développer une espèce d'anthropologie des communs à partir de nos propres pratiques, pas seulement à partir de pratiques qui sont plus ou moins exotiques. En Occident, donc, les organisations de la société civile, elles adoptent aussi des discours de cet ordre-là. Si on pense par exemple au discours à la manière dont on saisit la question de l'interdépendance, au sentiment d'être en commun avec le reste du monde, on retrouve ça dans les luttes aujourd'hui du mouvement des communs. On retrouve par exemple le discours des zadistes, les slogans comme « nous sommes la nature qui se défend », voilà, où là on voit que derrière toute cette sémantique-là, qui puise dans les sources féministes, écoféministes par exemple, il y a quelque chose qui propose un discours alternatif et qui se fonde sur autre chose, encore une fois, qu'une approche par la gestion d'une ressource commune. Donc je le disais, oui, ça puise là dans des ressources décoloniales, féministes, dans des travaux de chercheurs comme Vandana Shiva, Mies Federici, Gibson et Graham, par exemple, mais aussi dans des travaux un peu plus récents. En fait, les appels et la mise en commun qui émanent de cette tradition soulignent un potentiel qui est révolutionnaire des communs, qui n'est pas seulement, encore une fois, qui n'est pas seulement gestionnaire. Et la capacité des communeurs à réaliser des communs contre-hégémoniques dépend d'une certaine manière de ce que je disais à l'instant, de la manière dont on peut retourner les stigmates que nous impose la société capitaliste aujourd'hui. Alors, comment faire mouvement à partir de là? Vous l'avez vu, moi je ne suis pas un spécialiste de toute cette littérature-là, mais je pense que ce qu'on constate à travers notre activité, nous, c'est que il y a une importance à donner à considérer les communs à la fois comme un lieu d'apprentissage de la vie commune et comme un lieu où le faire, même le plus basique, le jardin partagé par exemple, est déjà en soi un acte politique. Et donc on est là, pour moi c'est ça qui va nous permettre de faire mouvement ensemble, c'est-à-dire la manière dont on va se reconnaître ensemble, dont on va partager l'esprit ou l'envie d'être commoneur, j'ai presque d'être au sens, le être étant le verbe et le être étant le nom, un être commoneur. Dit autrement, le commoning, c'est un foyer du processus de production de l'individu commoneur et de la subjectivité du commoneur. Donc, là, j'avais une illustration du, du projet dont je vous ai parlé, voilà un exemple de la, des slogans. Alors, pourquoi est-ce que cette subjectivité, moi, me paraît très très importante ? Je dirais tout d'abord que la crise écologique dans laquelle on est, elle est très très liée à notre façon d'être humain. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de doute, et on peut renvoyer à ce que nous raconte Illich, par exemple, sur le silence comme commun, et ce que ça dit du rapport qu'on a à la nature et la façon dont, dont aujourd'hui on a utilisé la nature. Deuxième raison, c'est que, bien sûr, on cherche les solutions à cette crise écologique, mais pas que écologique, à travers des solutions qui sont basées en fait sur le marché et susceptibles de, finalement de reproduire les mêmes effets. Et puis la troisième chose, c'est que on doit comprendre en fait que les subjectivités qui sont produites, on doit les comprendre pour pouvoir en produire d'autres, tout simplement. Donc, je pense que c'est vraiment un problème sur lequel on doit travailler en tant que commoneur ou en tant que mouvement des communs. Alors, maintenant, pour illustrer ça, je pense que je crois qu'on a un certain nombre de clés sur lesquelles il faut qu'on travaille. J'ai aucune idée du temps qui est passé, donc on va avancer un peu. Je pense qu'il y a... c'est plus très très long, donc ça va aller. Je voudrais mettre en avant deux ou trois clés qui sont peut-être un peu les apports que je peux vous faire. Je ne sais pas dans quelle mesure ce que je vais raconter là était une grande introduction, un grand détour pour en arriver là. Mais je voudrais mettre en avant en fait deux choses. Il me manque une image sur, sur ce slide. Un des enjeux pour nous, c'est certainement de changer de système. Et là, pour le coup, on rejoint d'une certaine manière la question des plateformes. On vit aujourd'hui dans un système dont les infrastructures sont extrêmement puissantes et nous amènent, en fait, nous obligent d'une certaine manière à un certain nombre de comportements. Sur cette slide, vous voyez à gauche l'affiche du film Tu nourriras le monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, c'est un documentaire qui a été réalisé par deux ingénieurs agronomes qui documentent comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à la situation des agriculteurs dans la production céréalière. Et ils démontrent, en fait, à partir d'une région en Champagne, comment historiquement l'industrialisation s'est produite et comment aujourd'hui cette industrialisation elle crée un cadre qui fait que de toute façon les agriculteurs qu'on a vu manifester il y a quelques semaines sont aujourd'hui pris dans un piège qui est un piège dont il est très très difficile de sortir. Je ne veux pas revenir, ce n'est pas mon débat aujourd'hui, les propositions ou les initiatives politiques qui ont pu être prises à la suite de ces manifestations. Mais en tout cas, quand on comprend les mécanismes qui ont amené la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on voit qu'il y a un enjeu qui est celui de démonter, de défaire ces infrastructures-là pour en proposer de nouvelles. Sur la droite, en principe, vous auriez dû voir, si mon slide avait bien fonctionné, vous auriez dû voir une image d'une coopérative italienne qui est en Sicile, qui s'appelle les Gallinacee Felici, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui produisent des agrumes et qui ont mis en place tout un réseau en Europe, en Autriche, en Allemagne, en France notamment, qui permet une distribution en circuit court. Circuit court, ça veut dire peu d'intermédiaires, c'est pas forcément un circuit court au sens géographique, qui permet donc une distribution en circuit court avec des groupes autogérés qui vont pouvoir bénéficier de fruits et faire bénéficier les agriculteurs de conditions de vie et de conditions de travail dignes. Ce que je veux mettre en avant là, c'est vraiment cet enjeu de comment est-ce qu'on peut construire en fait ces mécanismes-là. Comment est-ce qu'on peut construire ces infrastructures qui vont rassembler à la fois des mécanismes pour le coup d'acheminement de la marchandise, des mécanismes économiques de commande. On a vu les plateformes de food, de commande en ligne ce matin, par exemple. Il y a besoin d'outils comme cela. Des mécanismes juridiques qui permettent, par exemple, à travers des systèmes de fondation, de garantir l'accès et l'usage du sol, l'usage du foncier. Enfin voilà, tout un ensemble, toute une panoplie de dispositifs qui s'articulent entre eux et donc pour lesquels il faut avoir cette vision d'ensemble. Je pense que là, on a vraiment un chantier qui est extrêmement important pour lequel il y a un travail énorme à faire et pour lequel on peut s'appuyer sur le travail notamment qui a été fait dans Free, Fair and Alive, le livre qu'on a traduit le pouvoir subversif des communs. On peut s'appuyer sur le vocabulaire et sur ce que je disais tout à l'heure, être une espèce de début ou d'embryon d'anthropologie, de comportement des communs, des mécanismes de commoning tels qu'on peut les formaliser à travers les patterns de commoning. Alors là, j'ai un slide blanc. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on change les slides. Je vais avoir besoin d'aide. On prend le PDF sur lequel il y a les images. Parce que là, on est sur le... Parce que je voudrais vous montrer... Excusez-moi pour ces problèmes techniques. Si tu veux bien me mettre le PDF, s'il te plaît. Le bout de slide qui manquait, mais par contre il manque deux slides malheureusement. Le point suivant que je voulais aborder, je voulais vous parler en fait d'un projet sur lequel on travaille autour de la production de médicaments et pourquoi je voulais vous en parler, parce que derrière ce projet, en fait, l'enjeu pour nous, c'est l'enjeu d'un travail sur la mise en œuvre d'un partenariat public commun. Le partenariat public commun, c'est un vocabulaire qui s'est répandu assez largement dans le monde des communs aujourd'hui, et pour lequel je pense qu'on est souvent assez faible d'un point de vue... la pensée en fait, du partenariat public commun reste quelque chose d'assez faible, et sur laquelle... Nous, en l'abordant à partir de la question de la production de médicaments en commun, on a été amené à travailler de manière un peu plus approfondie, finalement, quels sont les mécanismes qu'on peut construire qui incluent, derrière la production de médicaments en commun, qui incluent des relations entre les différents acteurs. Et dans le monde du médicament, comme vous pouvez l'imaginer, non seulement il y a un enjeu de production industrielle, il y a un enjeu d'interaction avec le secteur public, je dirais, en général, avec le secteur public local, par exemple, mais il y a aussi un enjeu d'interaction avec les autorités sanitaires, avec des réglementations qui sont extrêmement importantes. Et donc, on a derrière cette idée-là, c'est difficile de vous le faire sans le slide, mais on a derrière des enjeux d'interaction et de renforcement mutuel entre l'acteur public et les entités qui peuvent représenter les différents acteurs qui se regroupent à l'intérieur des communs. Donc, par exemple, une entreprise qui va produire des médicaments selon un certain nombre de règles qui, pour nous, répondront aux communs, qui va être accompagnée d'une entité, d'une association, de commoners qui vont défendre en fait la question de l'accès aux médicaments et qui vont du coup avoir des actions, qui vont pouvoir développer des actions autour de ce partenariat, des actions de santé publique, par exemple autour de la de la prévention, autour de la mesure des risques, autour de l'éducation à la santé, voilà. Ou bien avec les familles des travailleurs dans l'entreprise, il va y avoir là tout un ensemble de relations. Il va y avoir aussi un ensemble de relations avec la puissance publique, non seulement, comme on le dit habituellement, pour soutenir, financer, institutionnaliser éventuellement, mais aussi des relations inverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un commun de la santé, eh bien, il va pouvoir renseigner la puissance publique sur le type de politique publique, ou en tout cas renseigner pour partie les politiques publiques de santé qui peuvent être conduites à l'échelle locale ou à une échelle plus large. Bien sûr, il va y avoir aussi des mécanismes de financement, de redistribution. Il y a un enjeu qui est fondamental derrière le partenariat public commun, c'est de quelle économie on parle, comment est-ce qu'on génère une économie qui s'extrait, qui sort en fait de l'économie capitaliste et qui permet de générer une économie en commun. Pour ça, on va rejoindre des mécanismes comme par exemple ceux des coopératives qui vont pouvoir prendre les surplus et redistribuer les surplus ou réinvestir les surplus à la fois dans l'outil industriel, mais aussi dans des activités qui sont des activités, soit d'autres activités industrielles, soit des activités sociales ou des activités en lien avec les politiques de santé. Une fois qu'on a posé ça à l'échelle d'une entreprise qui va produire des communs, en fait, on va avoir, et c'était un deuxième slide qui n'est pas présent dans la présentation, on va avoir à se poser la question, et on rejoint des choses qui ont été dites tout à l'heure, la manière, enfin, qu'est-ce qui va permettre de faire réseau, de faire commun, si ce n'est, en fait, bah, l'ensemble des valeurs, soit sous la forme d'une charte, soit sous la forme de licence, par exemple, qui permettent de se reconnaître, en fait, comme étant dans la production de communs pharmaceutiques. Aujourd'hui, l'un des grands défis pour les communs pharmaceutiques, c'est de rendre la production des médicaments beaucoup plus transparente, socialement juste et écologiquement juste. Ces valeurs-là, elles peuvent être réalisées dans des mécanismes de production qui vont intégrer en fait ces valeurs-là et qui vont accepter de partager en fait ces valeurs-là à travers une charte ou à travers des mécanismes de licence comme vous avez pu le présenter, enfin comme on a pu le partager tout à l'heure. Voilà, je pense que on a là en fait un enjeu qui rejoint la question des plateformes d'une certaine manière, puisque on est là aussi sur la mise en place de conditions de changement radical de la production des médicaments par exemple, qui pour moi dépasse du coup, en tout cas sortent du cadre, ne l'exclut pas bien entendu, mais sortent du cadre d'une gestion commune de ressources. Alors, je vais conclure puisque j'ai pas mes illustrations, ça va plus vite du coup. Donc, pour moi, une des choses qui est importante pour nous, c'est de continuer ce travail-là, d'explorer et de travailler sur ces méthodologies, sur ces outils pour développer des communs comme des systèmes, donc avec cette dimension systémique, de regarder en fait les communs non pas seulement comme l'addition de différentes initiatives, mais réellement comme quelque chose qui fait système sur un territoire ou dans un domaine donné, et de renforcer en fait les pratiques de narration basées, comme je disais tout à l'heure, ou en tout cas prenant en compte les dimensions affectives et les dimensions psychiques du commoneur qui permettent de nous donner en fait un récit commun. Comment est-ce que ça rebondit, comment est-ce que ça vient nourrir votre réflexion sur les plateformes? Je suis incapable d'y répondre, je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais en tout cas je pense que c'est aujourd'hui quelque chose de stratégique. Si on veut avancer sur le mouvement des communs, enfin faire avancer le mouvement des communs comme autre chose qu'un mouvement qui vient s'affilier s'inclure dans un État aujourd'hui néolibéral qui en fait s'accapare de manière assez large la question des communs à travers son économie. Voilà, je vous remercie et je suis vraiment désolé de cette mauvaise qualité de présentation. Thank you.